7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Hola, bon dia la planète et la familia, j'espère que vous allez bien. Il est tout juste 7h du matin, j'espère que vous avez passé une agréable nuit. Côté ciel, aujourd'hui, ça va être mitigé entre soleil, nuages et éclaircies. Les températures au lieu du jour, 5 petits degrés jusqu'à 18 degrés. Et moi, sur la route, j'ai déjà vu des gens qui faisaient la queue pour l'essence. Bon, normalement, la première ministre va essayer d'arranger les choses aujourd'hui. Normalement, on espère. En tout cas, on croise les doigts. On vous souhaite une très très bonne matinée avec le réveil de Radio Arc-en-Ciel en direct comme tous les matins. Et ça me fait plaisir. Et Juliette Armanet pour bien démarrer cette journée. C'est la fin. Je veux le pas. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, on vous réveille. Sous la piste que tu crames, bébé, monte tes formes, t'es mise dans mon viseur. Je suis pas le seul, tous ces mecs qui teasent sont un peu bizarres. Si te regarde, général te regarde, quand je tape dans la place, madame de la place. C'est la sao, femmino, c'est la sao, veritao. C'est la sao, femmino, c'est la sao, veritao. Pure, pure, po, po, po, pure, pure, po, po, po, pure, pure, po, po, po. Allez, on s'est en direct ce matin, 7h12, minute, belle journée avec Jesse Metador, Mini Kaoré. On vous souhaite une très très bonne matinée. Bon courage à vous si vous allez au taf ce matin. Faites gaffe dans les stations, là, les jerrycans, ça y est, c'est interdit. La préfecture a mis un décret en place. Bah ouais, c'est comme ça. Ça ne devrait pas tarder à se calmer, normalement. Si tout va bien, allez, je suis Madame Soleil ce matin. On vous souhaite une bonne matinée, 7h12. Et du soleil, on est jusqu'à 17-18 degrés. Gans qui arrive. Clic, clic, pam, pam, pam. T'étais moi, je t'ai oublié le passé.

pour que j'aime aujourd'hui, oublier mais toujours. La météo pour aujourd'hui, ce mardi, bien le ciel est assez couvert ce matin avec quelques rayons d'où le sol qui apparaîtront au long de la journée. Les températures sont plutôt pas mal encore ce matin, 6 à 7 degrés jusqu'à les 20 degrés aujourd'hui, 18, entre 18 et 20 degrés. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle, ça va. Le ciel est à peu près clément, ça va se gâter ce week-end avec malheureusement des pluies qui sont attendues pour vendredi et samedi. La Gofalolita qui arrive et la petite culotte. L'autre soir, on profitait d'une bonne bouteille dans la vieille ville ajaxienne. Quand elle est arrivée, elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne souciant pas du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Et j'attrape Lolita, et je me prends une chatte, car les femmes du 20e siècle méritent qu'on les respecte. Elle est entrée comme un mirage, la tête haute, ne souciant plus du regard des autres. Elle a traversé toute l'allée. Mais c'était qui? C'était la grande valorisation. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky Arc-en-Ciel. Qui habite maintenant à Tahiti. Bah ouais, il est bien au soleil, tranquille, et il est nommé dans la grosse radio Howard. Ça me fait plaisir pour lui. 7h32 minutes, on est en direct ce matin. Si vous avez des bons plans justement pour l'essence ce matin, si vous avez repéré une station, il y en a encore, et bien n'hésitez pas à vous appeler 02 38 43 48 00. C'est le numéro du standard, ça va aider les autres, hein, ça fera sympa quand même. 02 38 43 48 00. Le sens à la vie, elle l'a, et j'adore cette chanson. C'est Tal sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon réveil. Dormir et j'ai fait... fermer les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffe mon cœur. Tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la avec Tal, le sens à la vie. C'est vrai que le sens à la vie, il est super important. Et puis ce titre, il me donne la patate dès le matin. Je sais pas pourquoi. En tout cas, on vous souhaite une très bonne matinée. Si vous avez des bons plans pour choper de l'essence à une station où il y a encore de l'essence, eh bien, allez-y, appelez-moi 02 38 43 48 00. Elle a démarré sur Arc-en-Ciel. C'est Nana Cortés qui est canon. Yeah, magnifique alors, hein, ce matin, 5 degrés au lever du jour, on va dépasser les 17-18 degrés, c'est toujours pas mal quand même, hein, le soleil sera là aujourd'hui, profitez parce que ce week-end ça va être un temps pourri. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. C'est Francky, puis Monsieur Ferriac est avec nous au téléphone. Ah non, il est avec nous, il est parti. Bon, c'est pas grave, il va nous rappeler du son qui arrive avec Joseph Salvage, Open Season. 7h39 minutes, on vous souhaite un bon réveil et une belle journée sur Radio Arc-en-Ciel. We used to have it all planned. We thought we knew what it all looked like. We were looking out on the greatest view. On n'a pas vu les limites. On n'a pas vu qu'on allait trop vite. Nous voilà devant l'inconnu. Et on fila des années-lumière de tous ceux qui nous retenaient hier, seuls dans la nuit. On est seul dans la nuit. On n'a jamais voulu changer de route. Tous les chemins n'ont mené qu'à des doutes. Hasard, regarde où nous sommes. C'est une autre saison qu'il nous faudrait pour de bon. Pour repartir mon amour, le cœur en nous. Juste une autre saison, juste une autre bonne raison. Changer d'avis et de peau, de laisser l'amour nous prendre. So I've been needing you. I know you've been needing me too. But in this game together. 7h09, c'est Francky dans la radio, on vous souhaite une belle journée. Et puis j'ai des bonnes nouvelles, j'ai une station qui est libre apparemment avec de l'essence. On va appeler Monsieur Feria qui est sur la route. Monsieur Feria, Bandia. Bandia. Comment il va bien ce matin? Ça va. Toi t'as trouvé des stations avec de l'essence aujourd'hui? Oui. Alors dis-moi où, pour que les gens se... Dans Intermarché à Saran, ouais. T'as les gazis, et t'as acheté à Total au côté de la patinoire. Ah, alors Intermarché, Saran, il y a de l'essence, c'est ce qu'il nous dit en direct. Et puis la patinoire, le Total, voilà. Ça a été réapprévisionné apparemment, mon ami, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ben voilà. En tout cas, merci de nous avoir rappelé. Eh, merci de nous avoir rappelé pour nous renseigner quand même. Bien. Ça fait plaisir. Bon, le boulot, direction Paris peut-être pour toi, non? Ou Orléans? Non, Orléans. Orléans? Ouais. Bon, bah c'est bien, on te souhaite une belle journée, le chantier qui démarre. Ça va, il fait bon ce matin, on va dire, hein, les températures. Oui, il fait à peu près quand même. Ah, je veux saluer Pierre qui nous regarde sur le Facebook, il est très très loin, il est à l'autre bout de la planète. Salut Rodolphe aussi qui est là, il dit que je vais m'acheter une moto électrique. Nicole qui est là aussi, il y a du monde sur le Facebook de la radio ce matin. Merci d'être aussi nombreux. Merci, Monsieur Feria. Allez, merci, à bientôt. C'est ça que c'est bon. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky dans la radio, puis ça ira avec Joy Jonathan, vous l'adorez, belle journée, courage à vous pour le taf, on est là jusqu'à 9h, c'est Francky dans la radio. Dis-moi qu'au-delà de ça, il y a d'autres raisons qui te rendent heureux. Dis-moi si tu aimes bien nos paresses et nos matins d'amoureux. Dis-moi que c'est un début, mais que tu vois déjà la suite à deux. Je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs, juste comme ça. Tu me dis que c'est toi. J'adore, je l'attends en direct le matin. Et merci d'être aussi nombreux. Bobo qui est là, les Canaries sont là, Pierre, je veux le saluer aussi. Mylène qui est là, et on est en direct ce matin. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Ils seront sur la scène avec Radio Arc-en-Ciel le 5 novembre prochain pour fêter l'anniversaire de la radio. Hermanos Valdez, j'espère que je vais dire bien, et Capanegra seront là, l'anniversaire de la radio le 5 novembre avec Radio Arc-en-Ciel. Embora, eu não paro de pensar em ti. Desde o dia em que bateste à porta, eu não paro de chorar por ti. Quem vai cuidar de mim como tu cuidavas? Quem vai me dar os mimos que só tu me davas? Me diz só, ai, ai, ai, amor. Vai ralhar comigo quando eu vacilar, e se lembra comigo quando eu conquistar. Me diz só, ai, ai, amor. Te amo, como eu te amo. E o que é que eu faço pra voltares pra mim? Te amo, como eu te amo. Eu faço tudo pra te ter aqui. Sem ti eu não sou o mesmo, nem sequer me reconheço. Volta, volta, meu amor. Um vazio aqui dentro, este triste sentimento que me faz gritar, te amo. Quem vai cuidar de mim como tu cuidavas? Quem vai me dar os mimos que só tu me davas? Me diz só, vai ralhar comigo quando eu vacilar, e se lembra comigo quando eu conquistar. Me diz só, ai, ai, amor. Te amo, como eu te amo. E o que é que eu faço pra voltares pra mim? Te amo, como eu te amo. Eu faço tudo pra te ter aqui. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Hermanos Valdez, j'espère que je le dis bien. Excusez-moi à nos amis du Portugal si je le prononce mal. En tout cas, ils seront sur la scène de Radio Arc-en-Ciel. C'est le 5 novembre prochain avec la radio. Une grande soirée à l'espace Montition, comme on a l'habitude, notre salle. Hein, on va faire la fête avec vous. Et Capanegra seront là aussi. N'hésitez pas à réserver vos billets qui vont bientôt être mis en ligne. 02 38 43 48 00. Leclerc Fleury, apparemment, il y a de l'essence. Welcome la famille, c'est Francky, c'est en direct. Irfan qui est là. On est à la radio. Vous êtes de plus en plus nombreux le matin. Merci d'être présent. Irfan qui fait les cartes grises, mon ami, je le salue au passage. Et oui, il sera sur la scène de Radio Arc-en-Ciel, comme lui aussi peut-être bientôt sur Radio Arc-en-Ciel. On va essayer de l'appeler tout à l'heure, mon poteau de Paris, Rodrigo Ace. Et je te le dis quand même, l'artiste de Bruel. En bas, oh, oh, oh, comme dans une série. j'aime te dire merci pour tout le mal qu'on sait pas dire. Oh. Certains rigolent déjà. Oh. Je m'en fous, je les aimais pas. On avait l'air trop bien, y'en a qui supportent pas. Je le dis quand même, je vous aime. Ce matin en direct, 7h51, il y a Pierre qui est aux Canaries avec Nance. On les salue au passage qui nous regarde. Salut Camille, mon ami. David qui est là aussi. On est en direct. Vous êtes nombreux et de plus en plus nombreux tous les matins à nous rejoindre sur le 96.2 FM et ça me fait vraiment plaisir. Attention, les jerrycans, c'est interdit dans le Loiret. Hein. La préfecture vient de passer un décret là. Et sérieux, je te jure. Sérieux, il se fout de notre gueule le gouvernement. Manu, arrête tes conneries Manu, débloque-nous les pompes totales là. Ça va pas là, ça va plus là. Salut Benoît aussi, la bande FM du Loiret qui est là, vous êtes de plus en plus nombreux. Mitsu d'énergie sera notre invité, c'est normalement cette semaine. J'attends une réponse et il est en Afrique maintenant. Et je peux vous dire, on va essayer de l'avoir par téléphone sur Messenger. Et ça va être énorme, énorme. L'ancien animateur des années 80 sera avec nous pour nous parler de sa carrière, de cette belle carrière. Et puis un artiste que j'affectionne, c'était Alain Rochelle. J'ai mis le live parce que j'adore franchement. C'est Danakil, non rien de rien, sur Radar France, 96.2 FM. Et je vous le rappelle, hein, l'animateur d'énergie à l'époque 80 sera avec nous cette semaine. Ça va être du très très lourd. Non, rien de rien, je ne regrette rien. C'est David qui arrive aussi sur Facebook. C'est parti. Ah, j'adore. Cette reprise d'Edith Piaf par le son reggaeton, reggae même, de Danakil. Non, je ne regrette rien. Et ce live, il est énorme parce qu'il était à La Rochelle, où il fait beau à La Rochelle. Et justement, côté météo, on vous en parle tout de suite ce matin en direct. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est nuageux, mais le soleil devrait faire son apparition au long de la journée. Les températures sont plutôt douces ce matin. 7-8 degrés, ça va, c'est potable on va dire. Jusqu'à 17 voire 18 degrés, le soleil va faire son apparition. Par contre, ce week-end, je vais vous saper le moral, la pluie va revenir. Désolé la famille, hein. Coucou à Alexandra qui est là, David qui est là aussi. Merci d'être aussi nombreux. Faites-nous des petits coucous là sur le Facebook qui est en direct. Mathieu qui est là aussi, Edouard qui est là, vous êtes nombreux le matin à nous rejoindre et ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Du son qui arrive avec mon poteau Grégoire. Bah ouais, à l'époque il m'avait invité à l'Olympia, sympatoche, mais maintenant j'ai plus de nouvelles, mais c'est pas grave. En direct ce matin, 7h56, c'est Grégoire. Greg, c'est quand? Bah c'est tout de suite. C'est quand tu me prends par la main et que tu me dis, allez viens on se casse. C'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives, dans combien de temps? C'est quand t'arrives et que tu me dis, allez viens, viens maintenant c'est le moment, dis-moi c'est quand? C'est quand? Quand? C'est quand tu m'emmènes, c'est quand que ça commence, ça s'unit cette rengaine. De tes bras chauds, c'est quand la chaleur. Grégoire, c'est quand 7h58 minutes. Salut Thierry qui est là, la ville de Fleury-les-Aubrais en force ce matin. Alexandra qui est là, on est en direct et vous m'appelez 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. C'est quand? Bah, c'est de suite le meilleur des souvenirs avec le boulet de la FM, c'est Isabelle avec Parle-moi, une chanson bien triste mais on aime bien. Christelle qui est là aussi, salut ma famille. Si loin. moi. 02-38-43-48-00, c'est le numéro du standard si vous voulez nous joindre. Si vous avez de l'essence à nous filer, ouais, c'est Mad Max, hein, comme dans le film, hein, c'est Mad Max. Hein. La drink, ça, c'est rien à côté. Hein. Salut Toff qui est là, salut José qui est là, salut Edouarda, on est en direct ce matin et ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Le meilleur de la musique, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. 7h, 9h, Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Bah oui, 02 38 Toff 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous voulez passer en direct. Eh bien, allez-y, je vais rouler à la betterave. Lol, là, c'est ce que direction. Putain, les blagues dès le matin. Sergio qui est là, on est en live. Lynn qui est là, bonne journée, bonne émission pour moi. L'heure d'aller au taf. Bah ouais, faut y aller, hein. Si vous avez de l'essence, c'est mieux. 02 38 43 48 00. Et c'est Camaro dans les années 90 qui arrive, le petit remix de la radio. Et femme, like you. Bien fait la famille. Manu, il a déjà téléphoné à tous les groupes d'essence là. Bah, il a appelé Esso, il a appelé Total ce matin, c'est obligé, sinon l'économie en France va s'arrêter. Belle journée sous le soleil de la France en direct ce matin, et c'est Francky dans la radio. Et Camaleon, masse, et ça vous l'adorez, on est en direct et ça me fait plaisir de vous recevoir ce matin. Camaleon, mi corazón me pide más, nena, dámelo baby. Mi corazón me pide más. Lo que me dice, que no se imagina vivir sin ti, que no lo entiende y por qué te fuiste, castigado desde el día por ti. Hey baby, tanto daño le está haciendo a mi corazón, mamita no lo puedes ocultar ya más, tarde o temprano sé que te conquistaré, de nuevo porque yo sin ti no aguanto más. Mi corazón me pide más, más, más, más. Minutes. minutes, vous êtes peut-être à la bourre. Non, vous, hey, en ce moment, vous avez pas remarqué, tout le monde roule pépère. Hein. Ouais, bah oui, on n'a pas beaucoup d'essence, donc on accélère pas trop. Hein, et c'est bien. C'est bien, c'est bon pour la planète. 8h06, le meilleur de la musique pour bien vous sortir du lit ce matin. Si vous êtes encore chez vous, peut-être direction le taf, et bien voilà. La belle Céline Dion et I'm Alive. Belle journée et bon réveil. 96.2 FM Orléans. C'est long direct ce matin, 8h09, I'm Alive, Céline Dion, Virginie, salut Virginie, belle journée sur le pont de Jargeau. À Saran, il y a de l'essence apparemment à Intermarché et à la patinoire aussi à côté de d'Orléans, il y a aussi de l'essence, donc voilà, allez-y, rouillez-vous parce que normalement demain ça va s'arrêter. Si tout va bien, on a appelé Manu aujourd'hui, il nous a dit c'est bon, j'ai appelé SO Total, tout va s'arranger, promis. En direct, et la météo pour aujourd'hui, bah, le sol, ça va, c'est pas trop mal par rapport au week-end qui arrive. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est très nuageux ce matin avec des éclaircies. Les températures sont plutôt pas mal, on va dire 6-7 degrés au lever du jour et on va dépasser quand même les 18 voire 19 degrés. Profitez parce que ce week-end ça va être complètement pourri. Il arrive nos invités qui arrivent dans moins de 3 minutes. Et le Portugal, ce soir il y a PSG Lisbonne, n'oubliez pas, hein. Ah ouais, ouais, super important. Avec l'artiste et chocolat, 8h10, on est en direct 96.2 FM. T'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Clyde. J'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas taille. Baby, alors on va où? On fait quoi? On s'enfuit loin d'ici. On y va. On est si différents, c'est ce qui nous attire. Bang bang bang, autour ça tire. Viens avec moi si t'es prête à partir. Je veux pas rester là, ils veulent nous en servir. Baby, alors. Sexy raffiné, sexy raffiné, sexy raffiné, chocolat, chocolat, chocolat, chocolat.

sur Radio Arc-en-Ciel. Tu vas me manquer 8h17, on est en direct. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. On va faire les jingles, les invités du jour, ce matin, de bonne humeur et de bonheur, comme tous les matins sur Radio Arc-en-Ciel, 7h-9h. Alors, où sortir dans les concerts? Moi, j'ai envie de sortir, je sais pas, demain, ce soir, après-demain, ce week-end. Eh bien, on a certainement des réponses à vous donner avec Didier, qui est notre invité et son ami. Bonjour les amis, ça va? Bonjour. Comment vous allez bien au réveil ce matin à 7h du mat? Bah avec la pêche que tu nous donnes, tout de suite mieux. On essaye, hein. Ouais, je prends des trucs moi. Non, je prends du café. Ça c'est la solution. Didier, bah un super habitué de la radio. Comment il va mon Didier? Il va. Hein. Ça fait quelques années qu'on s'est pas vu ici. Bon, ouais. Enfin si, je suis passé dernièrement te voir, mais j'étais pas dans la même tenue, si tu te rappelles. Ouais, c'était pas cette tenue-là, ouais. T'étais un petit peu surpris d'ailleurs. Exactement, mon ami. Ce matin, on va parler d'un groupe. Sur les réseaux sociaux, notamment le groupe Facebook, hein, le réseau Facebook, vous avez créé, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez créé, ce groupe pour sortir dans les concerts. Voilà, alors j'en suis l'auteur en fait du groupe. Mmh. Donc Info Concert, hein, qui retrace un petit peu la vie des artistes sur le Loiret. Puis à travers ça, on se connaissait un petit peu entre temps, mais j'ai contacté. Enfin, Michael qui est à côté de moi. Ouais, qui est avec toi. Salut Michael, ça va? Salut. La moustache des Village People, toi. Ça c'est fait, allez hop. Non, c'est vrai, c'est direct, j'ai pensé au motard. En plus, il est mort le pauvre, les Village People, ça. Un sacré groupe des années 80, ça. Ouais, des bons souvenirs aussi dans les boîtes. Hein. Ah ouais, on a dansé le YMCA, hein. Putain la vache, on en a fait de la chorégraphie là-dessus. Hein. Donc Michael. Oui. On en était avec lui, Didier. Tu l'as rencontré comment? Bah, je l'ai rencontré par le hasard de Facebook. Hein. Mmh. Voilà, bon, il a vu un petit peu ce que je faisais. Il a aussi une idée qu'il va un petit peu déployer tout à l'heure. Dans le fil de l'émission aussi, et on s'est dit pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable et l'agréable à l'utile, mmh. Et de trouver un chemin d'entente pour cheminer ensemble, main dans la main, puisque tu parlais Village People. Ouais, voilà, bon, toute proportion gardée, là je vais prendre du gel pour les mains, hop, voilà. J'espère que c'est pour les mains le gel. voilà. Il y a ce qu'il faut aussi. Tu t'en laves les mains, bah, moi aussi. Toujours anti-Covid ici, nous, hein, on essaye de préserver... notre santé quand même, ça c'est super important. Alors Michael, oui, t'as rencontré Didier, vous avez fusionné entre guillemets, c'est ça? Entre guillemets, j'aime bien le entre guillemets. Ouais, parce que je veux pas de quiproquo hein, ce matin. On fera peut-être la chorégraphie à la fin. Alors du coup, voilà. Donc du coup, on s'est contacté sur Facebook. Moi de mon côté, bah j'ai un peu œuvré. Pour mettre ce dispositif en place, qui est un collectif d'artistes. Donc en fait, d'un côté, on a la visibilité des concerts, et de l'autre, il y a quelqu'un qui veut promouvoir la musique, mais surtout défendre les projets artistiques. Ouais. Donc on peut dire en tant que manager artistique, voilà, on peut mettre ça ce billet-là. Mmh. Donc du coup, chacun avec sa structure, moi c'est un associatif label. Ouais. Donc voilà, on en discutera peut-être un peu plus tard. Mais voilà le principe en tout cas. Voilà, d'un côté le rayonnement, diffusion des concerts, et de l'autre l'accompagnement. Et moi je trouve ça super sympa de parler des artistes de la région, hein, parce que c'est, j'ai un pressentiment, je sais pas, c'est peut-être bon, hein, qu'on en parle pas assez. Enfin, quand il y a des concerts, il y a des gens qui méritent d'être en lumière. Alors, on va parler des mecs, des stars, des machins sur les concerts radio. Et après le reste, j'ai l'impression que c'est un peu délaissé. Alors les pauvres, ils se débrouillent comme ils peuvent, hein. Ils essayent de communiquer avec leur manière, et c'est pas toujours évident. Bah avec le problème de réseau, quoi. C'est réseauté, pouvoir diffuser Donc voilà quoi. J'ai un bon sentiment, si t'es pas trop connu, on te zappe un peu, hein. Tu peux faire ce que tu veux, bah tant que t'es pas mis en lumière. C'est ça, hein. Ouais, il y a ça, et puis il y a le côté, bon, t'es pas trop connu, donc, voilà, c'est, ouais, tu sers à rien, ça fait aussi, le problème, c'est la diffusion, c'est comment diffuser. Bah ouais. On a à l'heure actuelle des moyens de communication qui sont extraordinaires. Si on avait eu ça il y a 20, 30 ans, je pense qu'il y a des groupes qui auraient été beaucoup plus. Qui auraient explosé. Il y en a d'autres qui ont explosé, mais dans les deux sens, hein. Dans l'autre sens, ouais. Mais, le truc, c'est que là, en ce moment, on a des outils pour travailler, on s'en sert, mais on s'en sert pas à bon escient. Ouais, comme il faudrait, à bon escient. pour soi-même, mais pas pour les autres. On travaille tous individuellement et on est un petit peu, sans s'en rendre compte, un petit peu égoïste dans le. C'est un peu ça aussi la base. Voilà. C'est le bon côté, la fâche cachée, comme je dis, de l'iceberg Facebook. Ouais. Entre autres, hein, pour ne pas les citer, mais il n'y a pas que. Alors, Facebook. Ils nous font marrer parce que c'est gratuit. Ouais, c'est pas que gratuit. Facebook, je peux vous le dire. Non. Ouais, mais il y a le côté. Ils t'interdisent beaucoup de choses, hein, Facebook. Hein. Après, ouais. Moi, tu vois, honnêtement, je préférerais, je te jure, hein, je préférerais payer, je sais pas, un abonnement tous les mois, sérieux, hein, et puis pouvoir faire ce que je veux, entre guillemets. Après, il y a des limites, mais par exemple, faire un live, regarde, maintenant, on paye la SACEM à la radio, hein, à la boîte, je paye la SACEM. Mais dès que tu fais un live, ça y est, droit d'auteur, machin, tu vois, c'est ça, je trouve ça vraiment dégueulasse, parce que ici, à la radio, nous, on paye la SACEM, hein, et puis comme il faut. Hein. Donc, ils devraient pas nous interdire de diffuser, parce qu'au bout d'un quart d'heure, si tu joues des titres connus, bah ça y est, ils te bloquent, tu vois. Ça, c'est pas normal. Alors, et puis à inverse, hein, avec des artistes non connus, toi même, ça c'est pareil, hein, ils te bloquent au bout de 10 minutes quoi, même si voilà. Donc c'est un peu dégueulasse aussi, je trouve. Moi je préfère payer, je sais pas, 10 balles par mois et puis gérer ma page comme j'ai envie. Et beaucoup pourraient le faire aussi. Donc les groupes locaux, c'est ça votre priorité? C'est ça, exactement. De la région, et moi j'en connais plein, bah moi il y en a plein qui sont passés à la radio. Le local, à ma droite, ouais. Et le régional sur un autre, un petit peu un autre, mais bon on peut le faire en tandem quoi, je pense que je vais le mettre devant à pédaler, moi je vais le mettre derrière. Vas-y là, tranquille, allez hop, voilà. Allez pagaie mec. Il parle bien Didier. Alors comment ça s'organise justement ce groupe? Comment on arrive à déceler les bons moments, les bons concerts, au bon endroit? Et est-ce que c'est facile à gérer, à s'organiser toute la semaine? Parce que c'est du travail à la semaine, ça. Hein. C'est du travail. Il y en a tous les jours des concerts, quasiment, non? Il y en a tous les jours. Plus le week-end, peut-être. Plus le week-end, plus à partir du vendredi. Mais quoique maintenant, on arrive aussi dans les after-work et tout ça, à avoir pas mal d'animations. Mmh. Et il y a de plus en plus de petites structures. C'est pas péjoratif dans le côté petite. Bien sûr. Mais des petites structures, comme tout ce qui est les caves à vin, tout ça, avec des. Là dernièrement, je leur fais un petit clin d'œil, puis un petit coup de pub, parce que j'ai trouvé le concept très sympathique sur Saint-Jean-Larvel. Ouais. Il y a un système d'escalade en indoor qui s'est monté, c'est Vertical Art. Ah ouais, j'ai vu un panneau. Ouais. Ouais, c'est dans la zone là, du côté d'une grande station, où ils vendent de l'essence. Ils essayent d'en vendre. Ils essayent. En ce moment, c'est compliqué. Et, pas que de l'essence d'ailleurs. Ouais. Ils vendent beaucoup de rêves aussi. Et de là, ce concept-là d'escalade indoor permet et ouvre aussi aux autres artistes, donc le côté art, la possibilité de venir s'exposer entre parenthèses. En fait, c'est une scène ouverte. Il y a la salle pour faire de l'escalade. Mmh. Bon, il y a tout ce qu'ils font, hein, bar, tout ça, lunch, tout ça. Mais il y a le côté aussi de et ça j'ai découvert il y a pas longtemps avec leur premier concert, comme ils ont un grand espace, ils permettent au groupe de venir et de jouer pendant que les gens font l'escalade. Ouais, c'est sympa. Voilà, ça. On retrouve. Alors là pour l'instant ils prennent des groupes, mais il n'est pas impossible que dans le début 2023, au milieu 2023, ils fassent de la scène ouverte. Ah, sympa. Donc on est en train de voir vrai, ça. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut jouer comme ça. Scène ouverte, c'était peu Orléans, hein. Il y a tellement de chanteurs, de chanteuses à Orléans, de groupes connus ou pas connus. Moi, j'en ai découvert plein à la radio ici. Il y en a plein qui viennent. Hein, franchement, je suis stupéfait quand je prends mon pote Alex Le Bail, par exemple, c'est un exemple. Hein, je l'ai découvert ici. Bah, je peux te dire que il envoie le mec. Hein. Ou même voilà. Titi, hein, Tiad, qui est souvent. Ouais, c'est des mecs, ils méritent d'être connus. Il y a plein de petits stars, de petites stars dans le ciel. Hein, le ciel est très grand, on le sait. C'est nuageux, ce matin. Il y a des nébuleuses aussi. Mais le fait, c'est que la distribution, elle est pas facile. Alors, moi, en tant que j'ai plusieurs casquettes. Hein. J'ai la casquette d'administrateur, puis j'ai aussi la casquette de spectateur et la casquette. Tu vois, je suis bien couvert. Hein. Ouais, toujours dit qu'il fallait sortir bien couvert. D'être musicien aussi, artiste à mon côté. Donc autant pour notre production que pour promouvoir nos sujets, que les groupes que l'on côtoie et autres. Ouais. On savait pas trop où chercher, donc je cherche à recentrer un petit peu tout ça et que les gens sachent un petit peu où venir et pouvoir agrandir tout ça. Alors comment on arrive à trouver justement les concerts, les scènes ouvertes, les chanteurs, les chanteuses de la région et puis D'Orléans. En fait, c'est un boulot à part entière. C'est du boulot, ça. Hein. Donc, moi, je te donne déjà un indicatif. Un c'est que je travaille déjà 7 heures par jour pour faire tout un travail de recensement. Ah bien. Donc du coup, en fait, à l'heure actuelle, on a 1050 groupes actifs des formations. Région, ouais. Juste dans le Loiret. Hein. Ah vache, c'est un vrai cas. Donc il y a 420 structures qui proposent des concerts ou ouais. qui portent la musique. Donc en fait, que ce soit les petits bars, tu en parlais là, donc Vertical Art, mais il y a pas que cela. Tout ça, si tu vas pas chercher l'info, elle tombe pas. C'est sûr. Pareil pour les studios d'enregistrement, il y a 30 studios d'enregistrement. T'as 15 antennes justement, on en parle de radio. Ouais. Voilà. Donc quand tu fais le cumul de tout ça, tu as une possibilité de parler d'Orléans comme un. Ouais, c'est un gros panel. Voilà, mais comme une grosse source culturelle. Ouais. Voilà, dans le milieu musical. Et donc voilà, donc t'imagines vraiment que je travaille 7 heures par jour pour recenser, pour aller auprès des artistes, pour leur proposer justement, j'allais dire, de synergiser toutes ces énergies. Après, forcément, il y a des professionnels qui ont peut-être pas besoin, parce qu'eux, ils travaillent de leur côté. Ouais. Mais voilà, si on met pas en place des initiatives, c'est sûr qu'on en revient tous les trois sur ce sujet. Il se passe pas ce truc pour dire, moi, je suis spectateur, voilà. Je vous écoute à la radio, où c'est que je trouve toutes ces informations. Ouais, d'accord. Donc voilà, c'est pour ça qu'on met chacun des initiatives en place, chacun à sa manière. Moi, c'est l'accompagnement et un petit peu de diffusion. Et c'est ce que je voulais faire aussi sur une autre émission radio. Mais voilà, Didier lui propose de mettre toutes les dates qui tombent. Donc voilà. En place sur ce groupe. Mais c'est clairement un métier. C'est un métier, ouais. Un vrai métier. Le groupe, on va rappeler le nom du groupe, Didier. Bah, c'est un faux concert. Alors, un faux concert, il y en a pas que sur Orient. Sur la région centre, il y a d'autres infos concerts. Alors moi, je l'ai sous-titré, c'est Info Concert RCVL pour Région Centre en Val-de-Loire, c'est-à-dire que je regroupe, je cherche à regrouper un petit peu tous les départements qui sont autour, du 18, 28, 36, 37, 41, 45. C'est une belle sortie en tous les cas, alors, un gros panel. Voilà, comme le disait à juste titre Michael, ouais, ça devient un boulot à part entière. Pas rémunéré de mon côté, je suis en associatif non plus en général. C'est ça. Ce sont des structures voilà, c'est se déplacer sur les concerts, aller voir, donc des fois payer sa place aussi parce que il faut que les artistes vivent. On n'est pas là pour se faire rincer non plus. On va pas refuser une bière, c'est sûr. Un jus de fruits, il y a pas de souci. Mais c'est d'aller dans les salles, voir comment ça se passe. Et le fait d'avoir un faux concert, c'est de donner une de multiples informations. Déjà d'informer le public d'où se trouve, se situent les concerts, quand est-ce que se produisent les différents groupes, les duos, les solos, les quatuors ou autres, les quintettes et autres. La bande à Basile, c'est combien ça? pas trop bosser sur les grosses structures parce que l'Astrolabe, tout ça, les grosses, ils ont déjà leur réseau, déjà leur truc, c'est ça, plus promouvoir un petit peu les petites salles, les moyennes salles, ce que tu veux dire. Mais en même temps pouvoir par le biais d'une Google Map et sur le groupe localiser les endroits où on peut aller, parce qu'il faut pas penser qu'à nous, c'est là où je disais qu'il faut pas rester égoïste en pensant qu'à soi-même, en disant je fais mon concert ce soir et je veux du monde. Il faut aussi pouvoir promouvoir l'ensemble des petits copains et en même temps donc donner l'information où se trouvent les lieux, pouvoir se géolocaliser, penser aussi aux gens qui ne connaissent pas le département, qui viennent pour un week-end, pour un déplacement. Ce soir je me ferai bien un petit concert, je suis là sur deux jours, où est-ce que je peux aller, j'aime bien quel style de musique. Voilà, ça c'est important de diriger les gens, je me recentre sur après ça. On peut découvrir, on peut être novice, on connaît pas le style reggae, on peut aller à un concert reggae et puis kiffer le son, pour ça faut-il savoir où est le concert. Ah oui. Et tout ça, donc pouvoir tenter de regrouper un petit peu tout ça. Bon, Sabrégué, tu suis la fumée dans les salles, hein, c'est bon. Ouais, tu la sens, oui. J'adore l'humour le matin, moi, ça fait du bien au moral. Et donc, voilà, ça y est. Vous avez rigolé, donc, comme ça, tout le monde rigole, et au moins, ça nous met de bonne humeur avec tout ce qui se passe. Tu vois à travers la vitre la fumée de notre côté. Ouais, je la vois, bah, c'est inondé, là. J'appelle la femme de ménage tout de suite, hein. En fait, c'est que vous avez pas mis le chauffage, et comme nous, on a chaud, on fait de la buée. Non, Macron, il a dit pas de chauffage. Hein. Attends, nous, on est punis aussi. T'as vu, j'ai mis mon blouson, j'ai tout mis ce matin. Et par contre, est-ce qu'il y a le package, on va dire, j'appelle le package, c'est suivi après, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de concerts, des photos, des vidéos, des choses comme ça, non? Alors, vous indiquez juste le lieu, l'endroit, l'heure. Parce que là, c'est même plus un boulot, là, c'est titanesque. Je cherche pour l'instant, le groupe. Le groupe est créé depuis le 25 juin, donc c'est tout nouveau, hein. Il y a eu l'été, ça a été assez court parce que, bon, je veux dire, il y a le côté vacances. Après, les concerts ont été un petit peu éparpillés, à part dans tout ce qui était guinguette et tout ça, mais ça, il faut en parler aussi parce qu'il y a plein de guinguettes qui reviennent à la mode. Et voilà, et ils produisent, comme le font les groupes, ils produisent sur leur page ou sur leur groupe à eux. C'est ça, mais ouais. Tout en étant ouvert à tout le monde, ça reste assez privé parce que si tu connais pas, eh ben, tu vas pas. Ah oui, c'est ça. Donc on passe tous à côté de très bonnes choses, de trucs sympas, des trucs pas chers. On n'est pas obligé d'aller payer, je sais pas, 80 ou 100 euros pour aller voir un groupe sur un écran, alors qu'à la télé on le verrait. Mais là, c'est Indochine, carrément. Là, hein. Alors voilà, il y a ça. Après, oui, pour couvrir les événements, bah moi j'essaye de le faire au maximum. En ce moment, bah c'est pas évident. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Hein. Mmh. Il y a le prix de l'essence, le prix des entrées. Enfin, il y a tout ça. Ça devient un petit peu délicat. Mais oui, quand je peux me déplacer, je me déplace et je vais filmer, je mets quelques photos, je fais un petit commentaire sur des scènes ouvertes, des scènes ouvertes, on en parlait tout à l'heure, sur Orléans, il y en a pour ainsi dire plus, dommage. Il faut s'écarter un petit peu, mais après, il y a plusieurs paramètres derrière. Bon, on retrouve le prix du carburant, on retrouve aussi, le problème, on sait que quand on aime festoyer un petit peu, bon, on festoie. Donc, il faut toujours avoir un capitaine de soirée, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, oui. Ça met un frein à tout ça. Celui Puis après, il y a les organisateurs, qui autour de leur animation organisent aussi ce qui est repas et tout ça. Et ça a un coût. Donc, tout ça, il faut arriver à le faire savoir. Vous dites, Michael, par exemple, vous êtes à temps plein là-dessus, c'est du boulot associatif en plus, vous bossez à côté, comment vous vous organisez là? Alors, ce qui se passe, c'est que moi, je viens de finir une formation dans le management artistique. Mmh. Derrière moi, il y a une volonté de création d'entreprise, donc là, je suis porteur de projet. Donc là, je me suis donné du temps. Donc voilà, je suis honnête. Derrière, je me suis donné une année sabbatique. Je me suis donné un emploi du temps. C'est un choix. C'est pour justement pointer sur le fait que pour faire ce genre de métier, c'est un métier, donc forcément quelqu'un qui ferait ça, il faudrait qu'il se fasse payer sur le principe. Donc c'est pour ça que peut-être certains ne le font pas, et que voilà, ça manque. Donc ça prouve bien qu'il y a un besoin. Il y a un besoin de qu'il y ait d'autres initiatives que la nôtre. Hein, on n'est pas là, on est bien là sûr. Aujourd'hui, mais quelque part en parlant aujourd'hui, c'est de pouvoir impulser aussi quelque chose pour ce qui est pour les auditeurs, de se dire voilà, c'est clair, voilà, c'est un vrai métier de synergiser. Je voulais juste revenir sur un point. De mon côté, je reprenais le micro ici il y a quelque temps sur une émission. D'un confrère. Ouais. C'était Mavrika, non? C'était Mavrika. Ah, et donc, je salue, il est sympatoche, voilà. Mavrika. Et donc, du coup, en fait, mon principe n'a pas changé. C'était de pouvoir référencer que dans le Loiret, ou les artistes qui sortent du Loiret, mais qui sont d'ici, et il y a 2 concerts par jour en moyenne. Dans le Loiret. Pas mal, quand même. Donc, voilà. Ça, ce sont des données que si on ne sait pas. Et donc, moi, ce sont des tableurs que je mettais à disposition, je veux dire. Et donc, du coup, voilà, c'est quand même une température. Et c'est qu'un début. Parce que là, moi, je parle post-Covid, ok? Mmh, donc, ça prouve bien qu'il y a eu un essor depuis ça. Les gens, ils ont envie, là, t'as voilà, ils ont envie. Ouais. Donc, il faut envie et besoin. J'ai besoin aussi, j'ai envie. Là, je vais y aller, d'ailleurs. Il faut mettre en avant, justement, ce qui, à la base, était plutôt quelque chose de nègre, et d'en faire quelque chose qui fait qu'il y a une impulsion des gens. Ouais. Voilà. Donc ça, il faut le mettre en avant. Est-ce qu'il y a les artistes locaux, on va dire, ils réagissent comment? Alors aujourd'hui, vous avez déjà des retours en se disant, bah c'est sympa ce que vous faites. Franchement, on parle pas trop de nous. J'essaye de communiquer. Oui, des pouces en l'air, on en a. Des pouces, ouais, bah comme tout le monde, beaucoup. Ça. Liker, c'est bien. Venir, c'est mieux. C'est ce que je dis souvent. Partager, c'est bien. Franchement, ça coûte rien. Voilà, je voulais le dire. Tu m'as volé le mot de la bouche. Ça coûte quoi aujourd'hui de partager un concert, un machin? Je partage pas mon pain. Je partage pas mon gîte. Partager déjà le gîte et le couvert, ça peut le faire. Ça prend deux secondes et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a un réseau social qui est asocial. Je veux dire, on joue chacun pour soi, quoi. Ouais, pour rester dans les termes corrects. Chacun tape la balle dans son camp, quoi. Voilà, ouais. Et là, chacun. Mais on est dans un monde où tout le monde veut profiter de tout, mais chacun veut tirer la couverture à soi, et ça, c'est pas évident. Et en plus, l'hiver arrive. Je souhaite bon courage à mon ami, à Michael, qui veut créer de l'associatif et créer un pôle à ce niveau-là. Faire bouger, c'est bien. Francky, je sais pas si tu te rappelles, j'étais venu à l'époque pour défendre une association de jeux de société. Des jeux? Oh, ouais, c'est vieux, ça y est, c'était en début de la radio. C'était en 2015. Ah la vache, ouais, j'ai pas entendu. Donc, entre temps, j'ai porté ce projet qui aujourd'hui a pris sa dimension. Et qui vraiment a pris pour moi la meilleure place que pouvait prendre ce projet, c'est-à-dire la présidence d'Orléans Joue, qui est le festival de jeux sur Orléans, et en fait ça a démarré vraiment de rien. Justement une petite impulsion perdue dans l'espace, et ça a synergisé dans les esprits, et en fait tous ces codages dont on parle, le fait qu'on veut tirer chacun vers soi la couverture, moi j'agis dans l'ombre, et après c'est plus mon idée. Tu vois, c'est une idée globale. Et moi, je suis fier d'avoir permis ça. Aujourd'hui, j'ai laissé le bébé à d'autres personnes de qualité. Mais voilà, moi, c'est peu importe que ce soit ma couverture à moi. Pour moi, on peut greffer du tissu à volo. Tout dépend si on est entre personnes de qualité. Comme quoi, une petite goutte d'eau dans la rivière, ça peut servir. Ça peut faire des océans. Tout à fait ça. Et puis après, nourrir les poissons qui vont dedans, sans mettre trop de plastique. Ouais, ça c'est la chose. Aux écolos qui nous écoutent. Oui, c'est vrai que t'as suivi le carton rouge pendant quelques années. T'as suivi l'opération carton rouge. Il y a d'autres assos qui s'y sont mis là. Tant mieux, ils ont pris la relève. C'est bien. Il faut. Puis il y en avait avant aussi. Je suis pas l'inventeur. Ça fait des milliers d'années que ça existe. Mais faut glisser de temps en temps aussi. Voilà. Après, oui, il y a tout ce petit réseau qui a besoin d'être connu. D'être connu et reconnu. Et c'est super important d'être reconnu aussi. Donc tous ces petits groupes, sans être toujours au côté péjoratif, mais méconnus dans le milieu, je pense qu'ils ont besoin d'un coup de pouce, mais aussi bien. Alors, au départ, pour le groupe, j'ai voulu faire un faux concert sur le département 45. Mais à réflexion assez rapide, c'était restreint. Donc déjà le groupe, il va jouer il ouvre les portes, il va dans les départements limitrophes, voire au-delà. Pas parler d'eux quand ils sont dans le département d'à côté, c'est un petit peu dommage. Donc j'ai dit tant pis, on ouvre tout, puis pourquoi pas. Alors après faire des émules et après pouvoir suivre tous les départements et tout ça, c'est chaud. C'est du boulot. C'est chaud, Waouh. Moi actuellement, Mika a une année sabbatique, on va dire. Moi, je suis à mon compte sur un côté professionnel en photo. Bon, je dis qu'en ce moment, c'est pas la panacée. C'est très très très difficile. Covid oblige, et puis tout ce qu'il y a eu derrière. Explosion des portables, on refera pas le match sur la photo. Ouais, comme tu dis, maintenant les portables, ils font limite photographe. Ça fait tout, bientôt. Tu me diras, 1000 balles le portable, il peut. Mais pas tous les portables, on n'a pas tous les moyens de s'acheter. Ah non, moi j'en ai pas un, 1000 balles. Moi je l'ai acheté 200 balles, je te le dis tout de suite. Moi j'ai un portable à 200 balles, c'est un Samsung. Moi je l'ai volé. J'ai tombé dans un camion. Voilà, chacun son trip. Non, il n'est pas volé. Il est tombé de la voiture. Le truc, c'est ça, c'est un petit peu regroupé. Et ce que je voulais glisser aussi entre temps, là je vais prendre la casquette de musicien ou d'artiste, comme vous voulez. Il s'avère que souvent quand on va jouer dans des dans des petits lieux. Bon, on sait que les moyens ne sont pas grandioses. On peut pas demander des cachets. Ouais, c'est vrai. Des gros cachets. Surtout que si c'est un petit bar, un petit resto, ils ont pas beaucoup franchement de moyens. Voilà, mais moi, j'estime, enfin, je trouve que quand on va jouer, tel qu'on soit, peu importe ce qu'on représente comme style de musique ou d'artiste, hein, ouais, on amène une plus-value, on amène quelque chose de plus dans un lieu. Bien sûr. Je pense que ce lieu de reconnaissance, à part quand c'est du côté humanitaire ou de solidarité, mais voilà, comme on dit, une bière et un sandwich, ça va bien 5 minutes au jour où on est aujourd'hui. Mmh. Alors, c'est justement là que j'y rejoins aussi le côté de Michael. C'est que voilà, quand on va jouer, il y a deux solutions. Où on va jouer dans un petit bar, enfin dans un petit lieu, on fait ça gratos, et puis voilà, c'est pour la gloire. Donc quand on veut changer nos cordes de guitare, changer nos harmonicas, ou enfin peu importe, ou acheter des baguettes pour la, bah c'est notre poche qui paye. Bon, ok, on fait ça pour le plaisir, mais le plaisir, déjà, il faut pouvoir aussi subsister. Donc on va demander aux organisateurs un petit défraiement et ils couinent, alors que des fois on leur fait éclater le tiroir caisse parce qu'il y a, ouais, on emmène du monde, voilà, c'est ça, hein. On emmène du monde, on fait déplacer du monde, on fait de la pub gratos, ouais, sur les réseaux, mmh, soit sur notre page privée ou soit sur nos réseaux un petit peu plus larges, et derrière il y a pas de retour. Donc on est dans un monde où il faut faire du, comme on dit maintenant, c'est un petit peu la mode, du win-win et pas du win-lose. Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que on en arrive à avoir beaucoup de plus en plus d'organisations qui nous demandent. Moi, j'ai vu dernièrement, il y a un entrepreneur de Cavavin qui m'a sollicité pour faire de la pub et tout ça, pour voir. Mais j'ai dit, écoute, pour l'instant, je peux pas faire payer. Enfin, je suis pas dans le truc. Bien sûr. J'ai dit, mais moi, j'aimerais me servir de ton réseau. J'ai dit, écoute, moi, pour l'instant, quand tu veux faire un after work, tu le publies, puis les gens viendront. Bon, pour l'instant, c'est ce que je te propose. Après, on peut voir sur un partenariat ou un truc comme ça. On change de statut, là. Ouais, parce que, c'est clair. Voilà, il y a du financement derrière. Et là où je veux en revenir au niveau des concerts dans les petits lieux, c'est que de plus en plus d'organisateurs, et on le comprend, demandent de facturer. Ah oui, pour facturer, il faut pouvoir avoir un numéro Siret. Il faut pouvoir. Et il y a de plus en plus de petites structures, donc de petits groupes qui se regroupent, qui font des consortiums, pour pouvoir avoir un numéro de Siret et facturer sous le nom de l'association. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que sous le nom de l'association, après, le reversement financier des défraiements, enfin des cachets, se font par défraiement. Ah oui. C'est pas toujours après, évident. Et il y a des associations qui se gardent malheureusement tout l'argent. Ça c'est obligatoire, parce que c'est en cas de contrôle d'URSSAF ou quoi. Voilà. On les connaît, l'URSSAF et tout. Hein, ils arrivent, ils déboulent. Il y a l'URSSAF. T'es en train de jouer, il y a pas de facturier. On dit bon, ça. On connaît l'histoire. Pour le patron qui organise, oui, il y a le problème de l'URSSAF. Il y a le problème de la SACEM. C'est ça, bah oui, droit d'auteur. Les droits d'auteur. Alors, quand tu es auteur, compositeur, interprète, tu fais ton truc, la SACEM, on s'en fout. Oui, parce que... Mais quand tu fais de la reprise, si c'est de la reprise de choses qui ont 100 ans derrière, la SACEM, on s'en fout. Ouais. Mais c'est quand c'est des trucs un petit peu actuels, où il y a encore des artistes maîtres qui jouent, bah, là, c'est plus pareil. Là, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Donc, voilà. Alors, tout ça, et se construire en association, en associatif, c'est très délicat. Alors après, aller se regrouper sur un label... avoir une association qui regroupe et qui aide, parce que nous on a fait une réunion hier, hein, mais voilà, hier soir dans un troquet orléanais là, du côté de la place de la Loire. On s'est réunis en tant que artiste, en tant que personne qui projetait ou en tant que organisateur, et on a fait un petit tour de table en parlant de tous ces problèmes-là. Alors il y a des problèmes d'auteur de cachet. Il y en a qui veulent tellement jouer qu'ils vont jouer pour rien. Toi, tu vas passer derrière. Ah ben, le groupe qui était avant, ils ont rien demandé. Et toi, tu vas en demander 300 balles. Tu m'expliques. Ouais. Voilà. Faut donc, se mettre sur la même arriver, ligne, voilà, à se mettre et faire comprendre aux artistes que jouer pour le plaisir, ok. Donner du plaisir, ok. Ouais. Autant que vous voulez. mais qui est quand même une justesse. Bon, on va bientôt se quitter les amis, parce qu'il est 9h10 bientôt, ouais. Et j'ai la relève qui va arriver, hein. Après c'est le Portugal, hein. Voilà. Donc on va se quitter avec un dernier mot, on va démarrer avec toi peut-être si tu veux, Mika. Ouais. Et ben on peut retrouver donc le collectif sur Facebook et sur d'autres réseaux. Le nom c'est Percy, donc P-E-R-S-E-E, Nadja, N-A-J-A. Donc si vous voulez toutes les informations, après c'est percy.nadja@gmail.com. Il y a aussi un numéro de téléphone si vous voulez appeler pour tout renseignement. Donc le principe, voilà, collectif d'artistes pour être dans un échange de services, faire du parrainage. Le but c'est aussi d'apporter un accompagnement et de pouvoir faire rayonner l'information. Donc voilà, c'est un package global et n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers avec toutes les personnes qui veulent faire partie du collectif. Ben voilà, et on va se quitter avec toi, Didier, si tu veux bien, mon ami. Voilà, bah je vais prendre le mot de la fin. Donc bah moi c'est pas trop difficile, hein. Vous allez sur le réseau social très connu, Info Concert, Facebook, Info Concert. Alors Info Concert, il y a le groupe et il y a aussi la page pour pouvoir couvrir du live en direct, hein, quand on fait la traduction. Je fais un live en direct en stream. Pourquoi pas. Et donc en stream, on a bien dit, hein, avec un M en à la string, fin. Hein, non, pas en string. Je l'attendais. Tu peux en string aussi. Hein. Oui, mais bon, ça dépend où on est. En pleine chaleur, ça va. En exactement. Été, ça va. Après, ça peut être une tenue de scène aussi, mais bon. Voilà, c'est Info Concert RCVL, hein, pour la page, et Info Concert tout seul.com sur. Voilà, il y a une page, il y a la page, puis il y a un petit flash code qui tourne en ce moment, puisque ça devient la mode en France. Il y a marqué si tu me cherches, tu me cherches, tu me trouves. Et puis il y a le flash code, et là on fait le flash code directement. Tu me cherches. Tu me cherches, tu me trouves. Et voilà, il y a le flash code, et après on rejoint, puis il y a aussi un numéro de téléphone, donc. Eh ben, allez voir ça tout de suite, allez ouvrir votre page Google, là, et vous tapez, voilà. Et puis là vous aurez toutes les informations, et vous retrouverez les informations aussi de l'association de Mika, avec la publication d'hier, et puis, les coordonnées dessus, bien sûr. En tout cas, merci, c'est bien, quelle motivation voilà. Pour faire bouger un peu, cette belle région, hein, ça fait du bien aussi de connaître les endroits où on peut aller voir des beaux concerts, que ça vaut le coup, ça vaut le détour. Et bah merci les gars, quand vous voulez, vous revenez, hein, après un concert, ça serait bien, tiens, si vous faites un petit concert, un de ces quatre là. Vous venez me voir, puis on en parle. Ça marche. Ah, ça marche, est chacun artiste. Et puis vous ramenez un artiste en même temps, on parle de lui, voilà, yeah. C'est gratos, ça mange pas de pain, nous. Ouais. Nous, chez nous, c'est gratos, hein. Voilà. Tant qu'on fait pas trop de pub pour le bar ou le restaurant, c'est gratos. Après, la SACEM, ils nous tirent dessus. Ouais. Hein. Nous, voilà, un grand merci à la station, à la radio Arc-en-Ciel, à toute l'équipe. Depuis 34 ans. Bah, depuis 34 ans, et encore à toi, Francky, principalement, un petit clin d'œil. Plus le temps où tu réponds toujours. Ah, toujours là. J'ai failli partir sur notre radio, une grosse radio, hein, je te jure, hein, c'est vrai, il y a 3 semaines, là, mais je suis bien, là, je me marre bien. Ouais. Parce que pourquoi? Bah, parce que c'est ça. La radio, c'est de la libre antenne, t'as vu? Là, ça fait 35 minutes qu'on parle. Vous le ferez jamais sur une grosse radio, je vous le dis tout de suite, hein. Ça, c'est mort, hein. Bon, les gars, bonne journée. Merci à toi. Merci, à bientôt. Merci, Francky. On va faire une petite photo de... Bisous aux auditrices, aux auditeurs. Surtout aux auditrices. On va faire une petite photo ensemble. Et pas la photo, elle arrive. Belle journée sur la Cancia, 8h49.